Bonsoir, ce soir on est en direct d'MTC, on est le 11 mars 2014 et on est le 7 Adar 5774 et ce cours est pour les Lunishma de Rosalie Bat Orida et la Rifroshima de Nissim Ben Aviva et de Yael Bat Rosalie et Bezat Hashem ce cours ce soir est en direct d'MTC Montréal et on va faire un cours spécial sur Purim. Alors accrochez vos ceintures, ça va démarrer. Allez, bonne soirée à tous. Okay. Hanukkah? Ah non, pour rien. Vous voulez savoir si vous êtes réveillé par Hachem. On va parler de Hanukkah et de Purim. On va parler de Purim. Je vais vous faire un petit examen. Je vais vous demander des questions sur Purim. On va voir à quel point on connaît la fête de Purim ensemble. Bien sûr, on va partager ensemble des idées. Des idées. Pas nécessairement des trucs de halakha. Mais on va voir. Premièrement, je voudrais commencer avec une histoire. Je vais commencer avec une histoire qui est comme un Purim dans le temps. Après l'Inquisition, on appelait ce Purim le Purim de Istanbul. Istanbul. C'était une histoire qui est comme un Purim plus moderne, qui avait aussi tout un décret sur les Juifs qui se trouvaient à Istanbul, etc. Vous allez savoir pourquoi ils l'ont appelé le Purim de Istanbul. Maintenant, cette histoire se déroule évidemment à Istanbul. Vous savez très bien qu'après l'Inquisition, il y avait une très grande communauté juive. Bon, beaucoup de juifs, quand ils ont quitté l'Espagne, ils sont arrivés, bien sûr, au Maroc, ils sont arrivés à Istanbul, ils sont arrivés dans plusieurs pays ou villes françaises et européennes. Mais il y avait une très grande communauté qu'on peut trouver, par exemple, il y avait un très très grand Talmid Chacham, un Talmid Chacham espagnol qui est venu d'Espagne, qui s'appelait Rabbi Shimshon Doran. Doran, c'était son nom de famille, et qui arrivait aussi à Istanbul, qui arrivait plusieurs à Izmir plus tard, des très grandes communautés qui sont arrivées de l'Espagne. Bon, cette histoire, elle commence avec un certain Rav Yosef. Ce Rav Yosef, il habitait en Espagne, et c'était un grand Talmid Chacham, c'était un docteur, qui servait aussi comme docteur dans la cour du roi. C'était dans ce temps-là, avant l'Inquisition, c'était les musulmans qui régnaient en Espagne. Qui en sud d'Espagne. Et jusqu'au moment que la reine Isabelle et Fernande, si je ne me trompe pas, sont revenus en Espagne, c'était les musulmans eux-mêmes qui avaient l'autorité là-bas. Les juifs, plus ou moins, ils étaient très stables quand les musulmans se trouvaient en Espagne, assez surprenant, et la communauté fleurissait très très bien, il y avait les rois, etc., les docteurs, etc., les juifs eux-mêmes servaient comme ministres, comme docteurs, etc. Au temps de l'Inquisition, 1492, c'était l'année 5252, juifs. Il y avait l'Inquisition, on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé. Les Juifs étaient demandés ou se convertir ou quitter l'Espagne. Et beaucoup d'entre eux, incluant ce Rav Yosef, a quitté l'Espagne et est arrivé à Istanbul. Rav Yosef est devenu plus tard le docteur du sultan qui était à Istanbul, ce temps-là, qui s'appelle Sliman. Ce Sliman aimait beaucoup Rav Yosef, évidemment, et après que Rav Yosef était déjà un homme assez vieux, son fils Rabbi Moshe a pris la relève à l'âge de 24 ans, qui était aussi un grand Talmid Chacham, et qui est devenu le docteur aussi dans la cour du roi. Ce Rabbi Moshe était devenu aussi un ministre qui était très préféré par le roi, etc. Une personne très très respectueuse, qui avait aussi beaucoup d'influence sur le sultan lui-même. Évidemment, les juifs à Istanbul comptaient beaucoup sur lui pour les aider dans certaines choses dans la communauté, quand ils devaient parler avec le sultan, etc. Évidemment, comme toujours, ce Rav Moshe, il avait beaucoup d'ennemis, assez d'ennemis qui se trouvaient dans la cour du sultan, qui n'aimait pas sa position. Il avait une position très intéressante, une jalousie, bon, qui était assez naturelle. Plus tard, un de ces jours, Rabbi Moshe pouvait arriver plus ou moins chez la cour du sultan quand il voulait, et il se sentait très très confortable dans la cour. Un de ces jours, ce Rabbi Moshe est demandé de venir tout de suite à la cour du roi, etc. Il est pressé à la cour du roi, et il arrive à la cour du sultan, et le sultan, il le voit, il est tout effrayé, il est en train de trembler, et Rabbi Moshe, qui était très proche du sultan, lui demande « Votre honneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous tremblez? Vous avez peur, etc. » Et il lui dit « J'ai eu un rêve effrayant cette nuit, et dans le rêve lui-même, il y a quelqu'un qui crie mon nom, « Slimane, Slimane, réveille-toi, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Réveille-toi et fais la jalousie pour Muhammad, etc. Il faut exterminer tous les juifs qui se trouvent à Istanbul. Il faut les exterminer vite, vite, vite, en moins de 3 jours. Un petit peu comme Aman. Aman, il voulait le faire en un jour. Il ne voulait pas perdre de temps. Ça lui a pris un peu de temps quand même. Mais lui, il voulait le faire en un jour. D'ailleurs, on n'a jamais eu un décret comme ça. Si vous remarquez, dans l'histoire juive, il n'y a jamais eu un décret de tuer tous les juifs en un jour. Vous n'avez jamais. C'est le seul. Aman. Aman. En tout cas, Rabbi Moshe, il devient effrayé de ce message qu'il reçoit du sultan. Le sultan lui dit, je ne sais pas quoi faire, etc. Rabbi Moshe, il tombe à ses pieds, il lui dit, monsieur le sultan, Chalomo d'Ivreshav Yedaberu. Les rêves ont aucune importance, ça veut dire c'est juste un rêve, vous n'avez pas à vous en faire, c'est pas vraiment un message de Dieu ou n'importe quoi comme ça, ça change rien. Et comme qu'on avait dit, le sultan qui aimait beaucoup le Rabbi Moshe s'est calmé un petit peu. Mais la deuxième nuit, le lendemain, le rêve s'est répété et encore, Slimane, réveille-toi, fais la vengeance de Dieu, fais la vengeance du islam, etc. Il faut exterminer tous les juifs, etc. Et encore, il est effrayé. Tout de suite, Rabbi Moshe est appelé encore à la cour, est pressé à la cour, et il vient devant le sultan encore. Et cette fois, il ne sait pas quoi dire, il est en train de trembler. Il sait bien que si ce décret va arriver, tous les juifs qui se trouvent à Istanbul. Et le sultan lui dit, écoute, moi je t'aime beaucoup, mais je te suggère de partir de Istanbul. Prends ta famille, je t'aime beaucoup, prends ta famille, mais ça s'est répété 2 fois. Si ça s'est répété 2 fois, ça veut dire que c'est un signe de Dieu, il faut que je le fasse, il faut que j'aille. Et encore, Rabbi Moshe, il le supplie, etc. Regardez, c'est peut-être pas un signe, etc. Il n'arrive pas à le convaincre. Et Rabbi Moshe, il réalise qu'il n'y a rien à faire. Mais il a quitté le sultan avec une décision que si le rêve va se répéter une 3e fois, il n'aurait pas de choix. Alors, Rabbi Moshe, il retourne. D'ailleurs, le nom de famille de Rabbi Moshe, je n'ai jamais entendu ce nom de famille, il s'appelle Aemoun. Vous avez entendu de ça? Je fais une recherche, je n'ai pas trouvé. Il s'appelait Rabbi Moshe Aemoun, en tout cas. Ce Rabbi Moshe, vite, il retourne à la communauté juive qui se trouvait à Istanbul et il leur raconte tout ce qui est arrivé, etc. C'est la première fois qu'ils entendent. Évidemment, ils sont choqués, etc. Et ils décident tous de prier, de jeûner. Et quand même, peut-être Hachem, il va changer tout. En sortant tard la nuit de la synagogue, Rabbi Moshe, il rencontre un vieux. Et le vieux lui dit « Shalom Aleichem ». Il lui dit « Rabbi Moshe, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Et de façon très naturellement, Rabbi Moshe commence à lui raconter qu'est-ce qui est arrivé avec le sultan, etc. Et le vieux lui dit, tu sais, Rabbi Moshe, il faudra que tu regardes derrière la porte du lit où se trouve le roi. Il lui dit, tu vas trouver tout ce qu'il te faut là-bas. Et il disparaît dans la nuit, etc. Il n'a pas eu le temps de prendre son nom. rien du tout. Et au moins, il a eu un peu d'espoir. Le lendemain matin, Rabbi Moshe arrive à la cour du roi, du sultan, et il lui dit, voilà, j'ai trouvé la solution de ce qui arrive. J'aimerais que dormir ici ce soir, dans le palais, et qu'il y a des gardes ici qui se trouvent dans le palais, et on va arriver à la fin. Et avant ça, je vais vous demander une question. Est-ce qu'il y a une chambre secrète qui se trouve dans le palais, dans votre chambre ici, dans la chambre du sultan, que personne ne connaît cette chambre? Il lui dit, ouais, effectivement, il y a une chambre ici. Cette chambre, la vérité, que mon père en avait parlé quand j'étais très très jeune, et c'était une chambre secrète que si le roi se trouve dans un danger, etc., le sultan, il peut sortir de ce palais et se cacher, etc. Mais j'avais tellement oublié de cette chambre parce que je ne l'avais jamais utilisée, c'est depuis des années. Maintenant que vous en parlez, je me rappelle de cette chambre. J'aurais vu Moshe, au moins il était content que au moins ce que le vieil homme lui a dit, que c'est pas des histoires. Bon, la nuit tombe, Rabbi Moshe, il s'endort et il reste dans la chambre du roi. Le roi, doucement, il s'endort et Rabbi Moshe reste éveillé. Effectivement, une heure plus tard, on commence à entendre les cris. Slimane, Slimane, qui est le nom du sultan. Avant que même il finisse, les gardes sont entrés sont chargés dans la chambre, ils ont ouvert la porte derrière qui se trouvait derrière le lit, et ils en sortaient, ils ont trouvé le Mishneh Lamelech, le main droit du sultan, qui était un très très grand sonné Israël, effectivement, on l'avait dit, c'était un grand, très très grand sonné Israël, et il voulait qu'on se débarrasse des juifs qui se trouvaient à Istanbul, alors il a décidé de faire cette chose. Le sultan, évidemment, ce ministre a été pendu par le roi, publiquement, et les juifs, depuis ce temps-là, le sultan, le sultan Slimane a dit à Rabbi Moshe qu'il va devenir de plus en plus, et il n'y aura pas de mauvais qui va arriver aux juifs. Et depuis ce jour-là, ça s'appelait le Pourim de Istanbul. Parce que c'était plus ou moins, et c'était, c'est pas une très vieille histoire, on parle de presque 80 ans, 100 ans après l'Inquisition. Et, bon, c'est pas hier, mais en rapport à Pourim, c'est assez moderne et ça a été connu toujours comme le Pourim d'Istanbul. Très bien. Est-ce que c'est un Pourim? Hein? Oui. Donc, à Istanbul, ils avaient un minhag de faire un deuxième Pourim. À cette période-là, même que c'était, ça n'avait rien à voir avec Pourim, je ne pense même pas que c'était dans le mois d'Adar peut-être, mais ils fêtaient ce jour-là comme ils fêtaient Pourim, avec un michté, etc. Maintenant, je vais vous demander une question. Qui a écrit la Megillah? Esther. C'est elle qui l'a écrit? Non, elle a demandé. Elle a demandé qu'on l'écrit. T'es vous là, et ta Iger, et ta Zod, etc. Mais qui a écrit? Ben Mordechai. Aman. On dit une blague, vous savez, après Kriyat HaTorah, Shabbat, on fait Kaddish. Oui. Et lundi et jeudi, on fait Kaddish aussi. Oui. Ah, pourquoi après la Megillah, on ne fait pas de Kaddish? Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'Aman, il a assez personne pour lire Kaddish. Ah, c'est une blague. Personne qui dit Kaddish pour lui. Tous ses enfants sont morts. En tout cas. Non, mais c'est pas mal comme réponse. C'est pas mal comme réponse. Alors, il y a une autre question. Le nom d'Hachem n'est pas mentionné dans la Megillah. Non. Aussi, c'est un des 24 livres du Tanakh, quand même. Shlomo HaMelech, la Gemara, elle dit que le Michelet, par exemple, les proverbes de Shlomo HaMelech, etc., ont été écrits avec Ruach HaKodesh. Et la Gemara, elle dit là-bas aussi, la Megillah, elle a une sainteté. Elle a été écrite avec le Ruach HaKodesh. Alors, pourquoi le nom d'Hachem n'est pas écrit dans la Megillah? Alors, le Maharsha, un des commentaires sur la Gemara, il dit comme ça. Il dit que c'est les Perses qui ont écrit la Megillah. Quoi? Seconde. Je sais que tout le monde est les Perses. Alors, ce n'est pas une mauvaise réponse, Aman, mais il faut la comprendre. Il dit que les Perses ont copié, dans leur livre d'histoire, l'histoire de la Perse, il y a aussi cette histoire de Haman et Esther. D'ailleurs, jusqu'à présent, est-ce que vous avez, personne n'a vu déjà la tombe de Esther et de Mordechai? Ils sont allés des Juifs pour la leur photo. En photo. Où ça? En Perse. It's still there. Oui, en Iran. Elle existe encore. Elle est protégée, elle est maintenue. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. YouTube, on a pas très bien. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y avait même des Perses ici. Ils ont envoyé une Megillah avec un style très perse, une Megillah très très belle. Il y avait des photos de la tombe. C'est écrit en hébreu, tout. Elle est very well maintained, très bien entretenue et tout. Alors, il dit que les Perses aussi, ils avaient cette histoire de Mordechai et Esther. Et c'est pour cela, il dit, selon le Maharsha, il dit, c'est pour cela, il n'y a pas le nom d'Hachem écrit dedans. Parce que c'est les Perses qui l'ont écrit. Parce que les Perses, ils ne vont pas écrire le nom d'Hachem. Oui. Les Perses, dans ce temps-là, c'était des Perses, mais ce n'était pas des musulmans. Non. Si je ne me trompe pas, la Perse, c'est jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle s'appelait la Persia. Oui, elle s'appelait la Perse. Ça ne s'appelait pas Iran. Farsi. Farsi. J'ai écrit en Perse. Ça s'est bien avancé. C'est pas religieux. Oui. Hein, l'islam, c'est récent. Oui, mais alors quelle religion vous avez dans ce temps-là? C'était des Abou Dazara, comme les autres. C'est ça, ils avaient des différents. Ils avaient des différents rois, ils avaient des différentes choses, différentes coutumes, etc. Ça n'a rien à voir avec les musulmans d'aujourd'hui, mais. Non. Rien à voir. Rien à voir. C'est jusqu'à présent. C'est le même peuple qui a changé de religion. C'est ça, c'est les mêmes paysans, c'est les Perses. Ils sont musulmans maintenant. C'est ça. C'est pour ça qu'on est Paras ou Madan. Non. Qu'est-ce que c'est Madan? C'est un autre pays. Oui, c'est un pays. Paras ou Madan, c'est le pays voisin. À côté de Babylone, à côté de Babel, etc. C'est parce que, juste ensemble, les Perses et les Madas, ils ont réussi à faire tomber le fils de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Juste ensemble, ils ont fait. D'ailleurs, maintenant que vous avez parlé de Ayatollah, excusez-moi, maintenant on parle de la Perse, ça me fait rappeler d'un grand ami Traham qui était dans le temps quand Ayatollah est devenu ce qu'il est devenu, le leader de l'Iran. Pourquoi est-ce que les Juifs en Iran jusqu'à présent ils sont protégés? Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un en est? Non. À cause de Ayatollah. Je vais vous dire l'histoire. Moi, je l'ai entendu. Il est prêt en otage. Hein? Non, je veux le dire. Oui, les Juifs en Iran, ils sont en otage. Oui, bon, parce qu'ils sont en otage parce qu'ils ne peuvent rien dire. Il y avait tout un documentaire sur eux. Mais ils sont pas, ils souffrent pas. De façon collective, peut-être, en Iran, si un Juif il va avec un Iranien en cours, il va perdre posture. Il ne va jamais gagner, ça c'est sûr. Non, bien sûr qu'ils ne sont pas traités à 100%, mais on ne les tue pas, etc. Mais un représentant au Parlement iranien. Oui, 100%, de la minorité. Alors je vais vous raconter une histoire que quelqu'un, un Iranien, qui m'a raconté, quand il était. Aujourd'hui, il habite ici à Montréal, il m'a raconté l'histoire. Il y avait un rav qui s'appelle Rabbi Refael. C'était le Chacham. Chacham Refael, on l'appelait, en Iran. Et quand il, c'était une personne, il m'a dit, très très intelligente. Une personne intellectuelle, bien posée, c'était un docteur. Une personne impressionnante. Il a dit, quand ils ont pris le pouvoir, il a pris toute sa communauté et ils sont partis à l'aéroport pour souhaiter le bienvenu à Ayatollah. Parce qu'il, lui-même, il leur a dit que si on reste ici, il va savoir pour sûr qu'on est contre lui. Il a pris toute sa communauté, ils ont entendu à l'aéroport pour Ayatollah. On le faisait au Maroc. Alors quand il est arrivé, il a vu Rabbi Refael, il le dit. Et quand Ayatollah, il a vu Rabbi Refael, il était très surpris. La communauté juive, elle est venue. Parce qu'il était, pas en Iran, on l'a jeté d'Iran, non? Hein? Il était en France, il n'avait pas permission de rester là-bas. Et quand il est revenu, ils ont fait le bienvenu. Ils lui ont fait cet honneur et il a commencé à parler avec Rabbi Raphaël. Il était très impressionné, Rabbi Raphaël. Et à ce moment-là, il a dit que personne, aucun Iranien a le droit de toucher aux Juifs. C'est jusqu'à maintenant qu'il garde ça, c'est à cause de lui. C'est jusqu'à ce qu'ils ont regardé, personne n'a le droit d'autre. Il a eu, il était extraordinaire. Si je peux mettre une petite parenthèse, oui. Je ne sais pas si tout le monde, Gérard, je vais passer, connaît les cassettes du Rebbe. Et quoi, les moments? Oui. Le moment où il passe? J'ai les cassettes, et si vous les voulez, je les prête à condition. Non, mais on peut, parce qu'on fait pas comme Gérard qui met vos enfants. On fait une soirée, on les regarde. On fait une soirée, on les voit ici. Cassettes. C'est vrai. Ouais. Le fait réel. En 1978. Un an avant. 1978, le Rebbe recevait. D'abord, le Rebbe recevait tous les mois le chef du Mossad. Tous les mois. Et on voit le chef du Mossad qui témoigne aujourd'hui. En 1978, Israël avait des problèmes avec l'Irak, l'avant. Il y avait l'Égypte. Il y avait la Syrie. Non, Arafat. Arafat. Ils allaient prendre des conseils. Et bien lui, il parle. Il dit, laissez tomber ça. L'ennemi d'Israël. Nimbron, le plus grand ennemi, ça va être la Perse. Et attention, le chat d'Iran, Israël, était en très, très, très bon terme. Il a dit de la Perse que va venir l'islamisation de l'Europe. Et s'ils vont essayer l'Amérique, ils ne vont pas. Et à la fin, il a dit Israël va rendre Jérusalem. C'est intéressant. Pourquoi il va rendre Jérusalem? Parce que vous n'avez pas vu ces passages? Oui, j'ai vu des parties. Va rendre Jérusalem parce qu'ils ont dit Israël ne mérite pas Jérusalem. À cause de 1967, où ils hésitaient de rentrer à Jérusalem. Ah ouais. Et il leur a dit rentrez, on attend, à cause de ça, vous devez rentrer à Jérusalem. J'ai une partie, mais peut-être on va faire une soirée, monsieur Azoulé. On fait une soirée, on peut les montrer, etc. Ça serait intéressant. Alors, non, on les fait pas d'un coup. Ça va, tout le monde va amener leur couverture. Ok, alors retournons maintenant à la question. La Megillah. Effectivement, il faut comprendre ce Maharsha, comment le Maharsha dit que les Perses, ils ont écrit. Alors, le Ibn Ezra, il écrit comme ça. Il dit que, premièrement, la Gemara, elle nous enseigne que la personne, c'était les Anshei Knesset Agdola qui ont écrit la Megillah. Anshei Knesset Agdola, c'était les rabbins qui se trouvaient dans ce temps-là. C'était Mordechai, il faisait partie de ce Bedin. Mm-hmm. Oui, c'était au temps du deuxième temple. C'est eux qui ont instauré tous les... Mais ils n'avaient pas encore... Ça a pris bien de temps après... Hein? Ça a pris beaucoup de temps. Un an. Non, mais là, on parle... De quoi, la pompe des anges de Haman, si vous me dites, j'ai pris cette tête-là, oui. La pompe des anges de Haman et l'écriture de la Megillah, ça a pris dans... plusieurs années. Non, mais seconde. La Cheikh Agdola, elle existait bien avant aussi. Oui. Il y avait le Bedin de Mordechai. Mordechai, il faisait partie d'un Bedin. Dans ce Bédine se trouvaient les trois derniers prophètes du peuple juif. Zecharia, Daniel, Haggai. Daniel, je ne dis pas Daniel parce qu'il y a une différence d'opinion. Est-ce que Daniel c'était un avis? Mais bon, c'est une autre chose. Si c'était un avis, un prophète. Mais Haggai, Zecharia, oui, Haggai et Zecharia, c'était les derniers prophètes du peuple juif. Et c'est eux-mêmes, ils faisaient partie du Anshei Knesset Agdola, c'était tout un Bedin. Mordechai lui-même, il faisait partie de cet Anshei Knesset Agdola. Et c'est eux-mêmes qui ont écrit, le Ibn Ezra, c'est eux-mêmes qui ont écrit la Megillah. Hein? Quand ils sont retournés. Nehemia. C'est Nehemia, non, parce que quand le fils de Esther a permis. Daria Vesh. Darius, a permis de retourner oui. Au Eretz Israël. Oui. Il y avait un ami avec eux qui est retourné. Oui, oui, il y avait encore toujours trois. Zecharia, Haggai et Malachi. Voilà. Et après ça, il y a aussi un Cheikh Nezagdola, il y avait Ezra Sofer qui est venu. Mais Ezra Sofer se trouvait en Babel, Babylone. Il se trouvait en Babylone. Et Nehemia qui se trouvait en Perse. Est revenu le joindre en Eretz Israël. Mais la Megillah était bien écrite, bien avant ça. C'est ça. Alors le Ibn Ezra dit que c'était les Anshei Knesset Agdola, les prophètes qui ont été écrits cette Megillah. Et exprès, ils n'ont pas écrit le nom d'Hachem dans cette Megillah parce qu'ils savaient très bien que les historiens perses, ils allaient recopier cette histoire, et au lieu de mettre le nom de Dieu, le nom d'Hachem, le Yud Kei Vav Kei, au lieu de le mettre dans la Megillah, ils auraient écrit le nom de leur Dieu. Alors, le Ibn Ezra, ils ont dit que la chèque exacte de là, avec leur prophétie, ils ont vu que c'est mieux de ne pas le mettre le nom de Dieu dans la Megillah, puisque, parce que les Perses n'ont pas changé le nom, etc. J'ai entendu qu'ils ont mis le nom d'Hachem, mais Besseter. Bon, il y a beaucoup de... Dans la Kabbalah, c'est rapporté plusieurs fois qu'il y a des... Plusieurs fois, on voit que... Non, le commencement d'une phrase, ça commence avec un yud, après un hey, un vav, un hey, que ça a été... Bon, c'est expliqué beaucoup... Ça, c'est l'interprétation simple. Il y a une interprétation selon la Kabbalah, pourquoi ça a été... Il n'y avait pas le nom d'Hachem, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Une question. Maintenant, Pourim, une des grandes mitzvot à Pourim, c'est quoi? De boire. Oui, ça aussi. Mais alors, quelle mitzvah dure la plus longue? La Megillah. Non, le plus long. La Seouda. La Seouda. Non, la Seouda. Le Mishté. Bon, le Mishlach Manot, on le donne. C'est une partie de la journée. La Megillah, c'est le matin, le soir, le matin, etc. Chez les mitzvot, ils ont un temps. Mais le Mishté, c'est du matin jusqu'au soir, il faut boire. Non, je rigole. Le marché, c'est combien? Dans le chiour, l'enchir de Shabbat, on a dit le marché de Shekel. On avait dit 2 dollars par petit. Dollars par petit. Moi, j'ai entendu 7 dollars 10. Moi, j'ai entendu 70 dollars. Non, je... Non, non, non. Tu aurais déjà souhaité une grande vente par la cité à Shekel. Non, moi, dans le Mahatzit. Yeah, it's farming. Alors regardez. Le Mahatzit à Shekel, de préférence. Parce que premièrement, le Mahatzit à Shekel, c'est juste, c'est assez symbolique. C'est pas un chiouf de la Torah ou des Rabbanan, etc. C'est symbolique. Dans le temps du Beit Hamikdash, chacun donnait un Mahatzit à Shekel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires dans le Shulchan Aruch qui disent qu'il faut donner la valeur d'un Mahatzit HaShekel qui est environ 9,7 grammes d'argent. Monsieur Etias, il a dit que c'est 70 jours, c'est 70 jours le gramme. Fois 9 fois 7, c'est 7 dollars. Ça va. Vous pouvez donner moins aussi. Les gens, il y a beaucoup de gens qui. On le donne jeudi avant Mincha. Le 27, c'est pas pire. La Ta'anit. Alors, je vous donne mon adresse. C'est pour ça qu'ils demandent si on peut donner plus. Ah, ok, c'est bon. Tu peux le mettre dans la tzedaka. Si tu veux, si les gens qui viennent à la synagogue, oui, bien sûr. Là, oui, mais la meilleure chose, c'est que premièrement, on doit prendre des pièces qui est écrit dessus au moins 50 sous ou half a dollar. J'ai parlé qu'il y a des pièces, même canadiennes, de 50 sous. Vous les avez vues? Oui. Elles sont super belles. C'est des pièces de 50 sous. Vous avez vu ça? Oui. Ok. Maintenant, sur les pièces de 50 sous, c'est écrit 50 cents. C'est pas écrit half a dollar. C'est ça. Ok. Bon, les amis, une seconde. Alors maintenant, ça c'est le Mahatzit HaShekel. Le Mishté. Ok. Ça c'est la Seouda qu'on fait Pourim. Ça c'est la grande mitzvah de Pourim. Maintenant, je vais vous demander une question. Pourquoi à Hanouka on fait pas un Mishté? On fait des beignets, on fait des sphères. Ouais, les beignets, mais beignets, c'est pas une Seouda, hein? Bah, tous les soirs on se saoule. Vous savez, il y a une différence d'opinion selon Beit Shammai et Beit Hillel comment allumer la Hanoukia. Oui. Selon Beit Hillel, le premier jour c'est 1, après c'est 2, après c'est 3. Hanouka c'est 8, le premier jour, 7. Et en descendant. Alors comment est-ce qu'on peut être acquitté des deux opinions? Alors je vais vous dire. Vous allumez la Hanoukia le premier jour comme Beit Hillel et vous mangez 8 beignets. Le deuxième jour, c'est 2 beignets, après 7 beignets, comme ça, vous faites comme Beit Hillel et Beit Shammai. On n'a pas la preuve, on peut se donner des beignets comme ça. Des micro-beignets. Alors pourquoi on ne fait pas de michté? Pourquoi on ne fait pas de michté à Hanouka? Parce qu'il n'y a aucune mitzvah relative à ça. Alors on le fait le premier jour au moins, et quand même, Hanouka c'est une grande fête, hein? Pourim aussi, bon, on rigole à Pourim, mais pourquoi Hanouka il n'y a pas de michté? C'est plus religieux. C'est plus religieux. Alors je vais vous dire comme ça. Premièrement, pour comprendre pourquoi les Khamim ils ont instauré qu'il faut avoir une Seouda à Pourim. Pourquoi? Et pas Hanouka. Ah, pour la réponse, il faut comprendre chaque fête. La fête de Hanouka, pour comprendre Pourim, il faut comprendre Hanouka. Alors la fête de Hanouka, c'était un décret sur le peuple juif aussi, effectivement, c'est toujours comme ça. Ils voulaient nous tuer, on n'est pas mort, on fait une Seouda. Comme ça. Alors Hanouka, qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire? Est-ce qu'il voulait nous exterminer? Non, convertir. Est-ce qu'il voulait nous exterminer? Oui. Il voulait pas nous exterminer. Non. Les Grecs ne voulaient pas. Ils voulaient nous assimiler. Ça veut dire que c'était une guerre spirituelle. Les poskim ils rapportent que c'était milchama shel ruach. Ça veut dire ils voulaient prendre le ruach, la Torah du peuple juif. Ils voulaient enlever. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient les Grecs, ils étaient dans ce temps-là. Nous aussi, on a des universités, on comprend la Torah, elle a une très grande chorma. Ils ont réalisé qu'il y avait une très grande chorma dans la Torah. La seule chose qu'ils avaient un problème, c'est, bon, ils voulaient prendre Dieu en dehors de la Torah, l'aspect de Dieu dans la Torah, l'aspect de la religion qui se trouve dans la Torah, ils voulaient le sortir, et étudier la Torah philosophiquement, intellectuellement, et rien d'autre. Ça veut dire sortir et en disant « Elle où est le Kocha Israël ?» Vos dieux, c'est pas... Parce que Hanouka, on explique que les Grecs, ils n'avaient pas de problème que le Juif, il pratiquait les Juifs. Il pratiquait les mitzvot. Le seul problème, c'est qu'il pratiquait les mitzvot. Parce que Hachem nous a commandé. Pas parce qu'on comprend... On comprend tous que chaque Juif, il fait les mitzvot parce qu'il étudie la Torah, il étudie, on lui dit « Voilà, il faut faire les mitzvot. » Tant et tant, et il comprend avec sa compréhension, son intellect, qu'il faut faire une mitzvah. Mais c'est pas ça la raison ultime que le juif il fait les mitzvot. Les mitzvot, on les fait parce que Hachem nous l'a commandé. Et c'était ça, avec ça, que les Grecs, ils avaient un problème avec ça. Alors les Chachamim, quand ils ont instauré qu'il faut faire... Non, quand ils ont instauré qu'il faut faire quelque chose pour se rappeler de ce miracle que Hachem nous a sauvés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aussi une takalin, quelque chose de spirituel. C'est à l'image de bougies. Les bougies représentent Ner Hachem, Shlomo HaMelech Alav HaShalom, il m'a dit, Ner Hachem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu est la Neshama de l'être humain. Alors ça veut dire que ça représente quelque chose de spirituel. Alors les Khamim, ils ont rectifié. Moi, c'est ça, c'est à part que, en vérité, le miracle, c'était avec les bougies, etc. Mais pourquoi c'était avec ça? Parce qu'effectivement, tout le but des Grecs, c'était d'arrêter, de cesser la Torah, etc. Et c'est pour cela, nous, le symbole, c'est, symboliquement, c'est avec, on a l'image de bougie qui représente quelque chose de rouhani, la spiritualité. Maintenant, quand on arrive à Pourim, c'est exactement le contraire. Pourim, ils n'avaient pas de problème avec la Torah. Haman, qu'est-ce qu'il veut? La harog ve la hashmid et kol ha-yehudim. De tuer tous les juifs. Il ne voulait pas l'esprit du juif, il voulait le corps du juif. C'est de tuer le corps. D'ailleurs, jusqu'à présent, on voit, c'est la même chose. Hein? Et Sav, c'était toujours de tuer l'esprit. Oui. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Jusqu'à présent. C'est de tuer l'esprit du juif. Le juif, on ne veut pas le voir. C'est de tuer le juif lui-même. C'est exactement ce qu'Aman. D'ailleurs, comme j'ai dit au début du shiur, c'était le seul temps que quelqu'un voulait exterminer les juifs en un jour. C'est pas. Il y avait du temps, en un jour. Ils avaient un ordre. Vous savez très bien comment ça s'est passé. Après que Aman, il a reçu il a envoyé deux lettres. Ça veut dire qu'il y avait un jour désigné. Que oui. Tout le monde se trouvait dans les villes où les juifs se tuaient, ils allaient les tuer ce jour-là, tous en même temps. C'était comme ça, il a envoyé deux lettres, etc. Oui, jusqu'à que Achashverosh, il devait envoyer une autre lettre, etc. pour l'annuler, pour confirmer. Vinakmu, Beoy, VM, etc. Mais plus l'annuler. Hein? Ils ne pouvaient plus annuler. Non, ils ont dit que les Juifs peuvent se défendre. C'est ça. C'est ça. Puisqu'il y avait le tampon, le tabac à Meller, ils ne pouvaient pas l'annuler, mais les Juifs, ils avaient le droit de se... de se défendre, et les Juifs. Amman, il a acheté de Hasperos. Oui, Amman lui a dit, lui a promis de l'argent, etc. Le Midrash, il dit ça. Homme de son époque. Qui est Amman? Amman. On dit que c'est de l'homme le plus riche. Dans les Midrashim, c'est ce qu'ils disent. Vous savez très bien, la Gemara, elle raconte que Mordechai, il ne voulait pas se prosterner. Hein, on sait. Loïchtachavev et Loïcha, il ne voulait pas se prosterner devant Amman. Et à chaque fois, la Gemara, elle raconte que quand Achashverosh a finalement envoyé à Amman pour prendre Mordechai, le mettre sur le cheval, etc., et de l'habiller, etc. Alors la Gemara, elle raconte que quand il est venu, premièrement Mordechai lui a dit « Il faut que tu me coupes les cheveux avant. » Et Amman, la Gemara, elle raconte qu'avant qu'il est devenu ce qu'il est devenu, c'était un coiffeur. Ah, Marie raconte comment il est en train de lui couper les cheveux et Mordechai lui fait des problèmes en lui coupant les cheveux. Il dit, je vais te punir, etc. Et Mordechai lui sort sa chaussure. Oui, vous connaissez cette histoire? Oui, oui, il connaît cette histoire. Il sort sa chaussure et lui dit, rappelle-toi. Hein, il avait signé sur la chaussure. Mordechai et Aman, ils étaient envoyés par Achashverosh, le roi, pour faire comme messager dans une ville. Et en revenant, ils sont tombés dans le désert, ils n'avaient pas quoi manger, etc. Et Mordechai a gardé tout. Il a gardé le Nabou. C'est ça. Et Aman a tout mangé. Aman a tout mangé. Ils étaient dans le désert. Ils sont arrivés dans le désert. Mordechai, il a gardé la nourriture. Il savait qu'ils étaient désertés dans le désert. Et Aman, c'était un raftan, il a tout mangé, il avait faim. Alors il a demandé à Mordechai, écoute, tu vas me donner un petit peu à manger. Et Mordechai lui a dit, si tu te vois comme un esclave, tu deviens mon esclave, je te donne un petit peu à manger, comme ça tu peux survivre. Et il lui a dit, bien sûr, il va mourir. Oui. Et ils ont signé un contrat sur la chaussure de Mordechai, et Mordechai il portait cette chaussure toujours. Et à chaque fois qu'il voyait Aman, il lui montrait la chaussure. Rappelle-toi, hein. C'est pour ça, Aman, à chaque fois, il bouillonnait. Vekolze lo chaveli. Parce que Mordechai, Aman, il avait tout. Mais juste à cause de ce petit juif-là, de ce Mordechai, kolze lo chaveli. Qu'est-ce qu'il a dit dans Amigila? Tout ça ne vaut rien pour moi. Parce qu'il n'y a pas Mordechai qui se prosterne. Il voulait que Mordechai se prosterne. Ah, c'est pour cela les Chachamim, puisque Aman, le décret c'était sur l'être physique du juif, alors en fait, avec une Seouda, on mange, on boit, on y a les Chaim, etc. Et c'est pour ça les Chachamim, ils ont fait une takana de faire une michté et pas noir pour rire. Hein? Bon. Une dernière question, une autre chose très intéressante que on trouve dans les Midrash, c'est écrit que au venu du Mashiach, tous les fêtes vont être annulées, à part Pourim. On dit sauf que pour tout, hein, sauf Pourim. Toutes les fêtes vont être annulées, à part Pourim. Le Shabbat restera. Hein? Le Shabbat restera. Mais non, il y a une opinion qui dit même Yom Kippour, etc. Mais selon tout le monde, Pourim va rester. Bon, évidemment, la question c'est pourquoi Pourim? Qu'est-ce qui est si spécial à Pourim? Et que ça veut dire que. Hein? On a accepté la Torah. C'est le temps avec Iblo Ayodim et Shetacher Reloula Asot. Très bien. Alors, il dit que Pourim, c'était encore plus fort que Matan Torah. Premièrement. Mais c'est relié un petit peu avec la question, mais puisque. Shalom, il a mentionné, je veux parler de ça. Kiblo Ayudim et Asher El Cheloula Asot. C'est écrit dans la Megillah. Ve Kiblo Ayudim. Et les Juifs ont accepté ce qu'ils ont commencé à faire. Alors, ils demandent, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont accepté? Mais la Torah, elle a été déjà donnée bien avant Pourim. Oui. Alors, le Mefarshim, il explique très simplement. À Matan Torah, les Juifs ont été forcés à accepter la Torah. Oui, le Midrash, il dit. Kafa alem haragigit. Ils ont mis, Hachem leur a dit, il leur a mis une montagne sur la tête. Ou vous l'acceptez, ou là-bas vous allez être enterré. Sham tiyek vous ratrem. Chamdi et Gvuratchel. Bon, le Midrash, il explique que c'était juste pour la Torah chez Béalpé. Hein. La Torah chez Bichtav, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Mais la Torah chez Béalpé, parce qu'ils ont vu, il y a tellement de lois, il y a tellement de vêtements, on n'a pas le droit de faire ça. Ils ont dit non, non, non, ça on a. On n'avait pas ce deal, c'était pas dans le contrat, ils ont dit à Hachem. Quand Hachem est venu, il a proposé la Torah à tout le monde, il a proposé la Torah chez Birtav. Là, quand il leur a dit, il y a Shabbat, il y a tous ces issourim, vous n'avez pas le droit de manger ça, il y a pas, vous pouvez pas manger de sang, vous pouvez pas manger. Ils ont dit non, non, non, non, non. Il leur a mis la montagne sur la tête, Shabbat yek vuratrem. Mais à Purim, c'était pas comme ça. À Purim, ils ont accepté sur eux-mêmes, sans que Hachem les force. Parce que tout ce qu'ils avaient à faire, les Juifs, dans ce temps-là, quand ils avaient ce Pourim, cette fête de Pourim, c'est de cesser d'être Juifs. Et pourtant, les Israéliens ont dit, j'accepte la Torah quand il est là. Ah, c'est Vénishma. Très bien, c'est Vénishma sur la Torah écrite. Pas la Torah orale. Vous allez mourir. Pas la Torah orale. La Torah écrite avec plaisir. La Torah orale, c'est trop compliqué. Trop de halakhot, trop de choses. Il y a des Juifs qui habitaient en dehors de l'Empire perse à l'époque. Mais il était oui. Mais il régnait son Sheva ve'esrim Ume à Medina, 127 pays. Il n'y avait pas encore. Mais il y avait en dehors de Hodouvé Akouj, des Juifs, non? Mais Hodouvé Akouj, ça ne veut pas dire. C'est... Oui, mais Hodouvé Akouj, ça veut dire 127 pays dans. Combien il y a de pays dans le monde en ce moment? Dans les extrémités, peut-être, c'est Hodouvé Akouj le plus loin, mais dans tout le royaume. Non, 92, il y avait. Il y a l'Europe. Non, 92. C'est pas. Non, parce que les Palestiniens. En dehors de la Méditerranée, vous voulez. Quoi? En dehors d'où? Il y avait 127. 127 pays, bon, whatever, c'était des pays. Mais à l'époque, peut-être qu'il y avait d'autres pays où il y avait d'autres juifs, je ne sais pas. Mais l'idée du pays tel qu'on le connaît n'existait pas à l'époque, non? Non, c'est ça. C'est ça, c'était pas comme les pays, peut-être, ici, comme l'Europe, etc., des continents, etc. Quand on voit Hodou et Akouj, c'est de l'Inde jusqu'en Afrique. C'est ça, c'est ça. C'est grand, hein. C'est circulaire aussi. Non, oui, c'est ça. C'est un rayon sur un rayon. Monsieur, c'est circulaire aussi. Mais oui, dis-moi, c'est pas. Ça englobe tout ce qu'il y a de Hodou et Akouj. De toute façon, lui, Achashverosh, il a pris le royaume de qui? De Vashti. Non, du beau-père, du père Vashti. Belshazzar. C'est la petite fille de Nebuchadnezzar. Oui, voilà. Mais la fille de Belshazzar. C'était qui Belshazzar? C'était le fils de Nebuchadnezzar. Ah. Oui, quand il avait vu, vous savez, l'histoire avec Daniel, qu'il a vu sur le mur qu'il allait être vengé, etc. Il a vu sur le mur et c'était Paras et Madaï. Les deux pays qu'ont fait la guerre avec Belshazzar et ils ont pris le royaume de Belshazzar. Jusqu'à Achashverosh, c'était les plus forts, c'était la Babylone. Babylone, c'était eux les plus forts, c'était Belshazzar, Nebuchadnezzar, en Babel. En tout cas, Purim, c'était vraiment un temps que les Juifs, ils ont accepté sur eux. Une petite question. Pourquoi on fait le somme de Purim jeudi? Quelle est la signification de ce somme? Vous voulez dire le tome de Tanit Esther toujours? Parce que dans la Megillah elle-même, Esther, elle demande à tout le monde de jeûner. Trois jours. Il y a certains, d'ailleurs, quand Esther, elle voulait parler à Achashverosh. Avant qu'elle est partie à Achashverosh, c'est intéressant que, il y a toute une explication très intéressante comment elle a pu se laisser. Ouais. Parce que comment elle est partie? Elle a jeûné trois jours. Au lieu de demander à Achashverosh, c'était son mari, hein? Au lieu de lui demander, écoute, fais-nous une faveur, comme des diplomates, Mordechai, c'était un ministre, il aurait pu aller juste parler à Achashverosh. Il dit non, parce que le juif, il a une Yeshua, la Yeshua, elle vient du juif, juste pas parce que de façon naturelle, il va se parler avec le ministre, des diplomates, etc. Non, il sait que le juif, pour avoir une Yeshua, une réponse de Dieu, c'est il faut jeûner, il faut prier. Alors Esther elle-même, elle a jeûné pendant trois jours et elle a demandé à Mordechai que autant. D'ailleurs, il y avait certaines communautés qui jeûnaient pendant trois jours. Pendant trois jours, qui jeûnaient. Pas nuit et jour, oui, mais à chaque soir, je n'ai le jour, comme on fait. Mais c'est pour cela, puisque c'est très très dur de jeûner 3 jours, alors on jeûne une journée. Mais quand ça tombe dimanche, par exemple, comme cette année, alors. Oui, mais Pourim, c'est. Le jeûne, il tombe le samedi. Alors, le jeûne, il tombe samedi, on ne peut pas repousser. Un jeûne, on ne repousse jamais à vendredi. Parce qu'à la Khatrila, là, on ne fait pas un jeûne vendredi. Une seule exception. C'est quoi son nom ? La question que tu as posée est très bien. Alors, c'est pour cela aussi, quand ça tombe un dimanche, on jeûne un jeudi. C'est pour ça bien sûr, c'est ça. Parce qu'on ne fait pas un jeûne, parce que c'est Shabbat, on ne peut pas le faire. Vendredi, on ne fait pas de jeûne. À moins que c'est une journée fixe qui est un vendredi. Mais d'habitude, si on repousse un jeûne, on ne le repousse jamais un vendredi. Parce que c'est avant Shabbat. À moins que s'il y aurait eu une brite. À moins que. C'est ça. Alors, c'est ça. S'il y aurait une brite jeudi, d'ailleurs. La halakha, elle dit. Ce jeudi, il y aurait une brite ici. Et les gens, ils ont mangé. Dans une brite, on ne va pas jeûner. Débat, elle est où là ? Alors, les gens doivent jeûner le vendredi. Les gens d'ici. Oui, juste les gens qui ont participé à la brite. Mais généralement, on est dans ce cas-là, s'il y a une brite, il n'y a pas que le mohel et le père qui mangent ou tout le monde peut manger ? Dans certaines communautés, séfarades, marocains, tout le monde mangeait à la brite. Évidemment. Oui, on ne peut pas jeûner la brite. Mais non, le jeûne, est-ce que le jeûne. Il y a certaines communautés. Sur un mercredi, c'est quand le jeûne ? Le jour avant, c'est toujours un jour avant. Mais puisque le jour avant, ça va être un Shabbat, on ne peut pas jeûner. Alors, je vais juste finir avec le pain. Vous voulez me donner une question ? Allez-y. Oui, demandez, certainement. Okay. Alors, je vais juste finir le point. Retournons au point, pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de. Au temps de Mashiach, il y aura juste la fête de Pourim. Alors, il y avait un très grand rabbin qui habitait aussi en Turquie, si je me rappelle très bien. Il s'appelle Rabbi David Sruta. Oui, c'était un très, très immense Talmid Chacham. Il s'appelait en cours le Radbaz, qui a écrit plusieurs réponses de Shelot Vetchuvot, etc. Et il explique, quelqu'un lui a demandé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash qu'il n'y aura pas deux autres fêtes, il n'y aura pas Pessah, il y aura juste Pourim ? C'est impossible. Comment ça se passe avec ça ? Alors, il dit comme ça, c'est une très bonne question. Et lui dit, ça ne veut pas dire qu'il y aura... C'est quoi les fêtes ? Les fêtes, tout simplement. Nous, le temps de Mashiach, tout le monde va se reposer, oui. Les fêtes, nous, le peuple juif, on a les fêtes, on travaille toute la semaine, on travaille tout le mois. Baruch Hashem, Shabbat arrive, les fêtes arrivent, et on se repose. C'est un temps de repos, oui, et... Un vent de connexion avec Hachem, avec l'idée de la fête, avec le thème de la fête, si c'est Pessah, si c'est Shavuot, etc., Matan Torah, etc. Il dit, au temps de Mashiach, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fête. Mais les fêtes, ils vont être... C'est tous les jours, ça va être la fête. C'est pas qu'il n'y aura plus de Pessah. C'est pas qu'il n'y aura plus de Pessah, ça ne va plus exister. Non, le thème de Pessah, il va exister. Mais on ne va pas le ressentir. Parce que ça va être comme une autre journée de la semaine. Et aujourd'hui, bon, c'était Pessah quand on était dans la galoute, on était à l'exil, mais Hachem, on se repose toute la journée. L'oïr tout la date, le Rambam dit, l'oïr askouam et la date, et Hachem bilvad, tout le monde va être occupé juste à connaître Dieu, étudiant la Torah, etc. On va pas être. Il y aura de l'or et des diamants partout. Ce ne sera pas notre ce qu'on on voudrait. Il dit, sauf Pourim. Parce que Pourim. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit parce que pour lui, ça nous rappelle qu'on est sorti de l'exil, qu'on avait un temps qu'on était, oppressé, on voulait le tuer, et à cause de ça, il faut se rappeler de ce temps-là. Alors il demande, mais Pessah aussi, c'était un temps qu'on était oppressé, en Égypte, etc. Pourquoi alors Pessah, ça va être une journée régulière ? Et il dit quelque chose, hein ? Pourquoi ? Parce qu'on était des esclaves et l'autre pourri, il voulait nous tuer, il voulait exterminer. Ok, c'est, ça se peut, mais il dit comme ça. Il dit, pour Pessah, le Beth Amikdash et le temps du Beth Amikdash nous ont fait oublier un petit peu. Parce qu'après qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés à la terre d'Israël, ils ont conquis Israël, Après un bout de temps, ils avaient le Mishkan, ils avaient le Beth Amikdash. Ça les a fait oublier un petit peu la souffrance de Pessah, parce que Baruch Hashem, dans le temps de Beth Amikdash, il y avait une prospérité. Le temps de Shlomo HaMelech, il y avait les rois qui venaient tous le voir, il y avait une prospérité physique, il y avait une révélation divine qui se trouvait dans le Beth Amikdash toujours. Ça les a fait un peu oublier l'esclavage qu'ils étaient en Égypte. Il dit, Pourim, ça, on ne l'a jamais oublié. Parce que c'est comme ce monsieur Michel a dit, on voulait nous exterminer tous. Même qu'après, il y avait un deuxième Beth Amikdash, mais le deuxième Beth Amikdash, il n'était pas aussi grand, il n'y avait pas une présence divine aussi forte qu'il y avait dans le temps du premier Beth Amikdash. En ce qui est, toutes les cinq choses qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas dans le deuxième. Alors, c'était pas. Ça nous affiche. Hein? Quelles sont les cinq? Les cinq choses, c'était probablement, il n'y avait pas le chotabrit. Les tables de la loi. Il n'y avait pas le Aaron. Il n'y avait pas le Tzintzen et Taman. Il disait que Moshe Rabbeinu, il avait il avait un échantillon du man. De la man. De la Aaron. C'est toujours il avait. Oui, il trouvait dans la ronde. Et il y avait aussi le bâton de Moshe. Moshe Rabbeinu. Mm. Et c'est quoi la cinquième chose? La fourchette. La fourchette? Ils attrapaient les trucs dans la Mishnah, ils parlaient de ça. Dans la Mishnah de Pirkei Avot à la fin. C'était la mazlek qu'ils avaient créé. C'est quoi la cinquième chose de Bereshit? Bah, j'ai oublié la cinquième chose, j'ai oublié. Excusez-moi, c'est la prochaine fois, je vais regarder. Bon, alors revenons, c'était quoi le point? Alors c'est pour ça, hein, il dit que le Pourim, on ne va jamais l'oublier. Le Pourim, on ne pourrait jamais l'oublier parce qu'il n'y avait jamais quelque chose qui nous l'a fait oublier. Il n'y avait jamais ce Beth Amikdash. Alors, même quand Mashiach va venir et le Beth Amikdash va être construit, il faut toujours se rappeler de Pourim. C'est pour ça, Pourim, il va rester. Même après la venue du Mashiach. Oui. Comment vous êtes déguisé? La marocaine. Là-bas. La vérité, je cherchais quelque chose de spécial, je ne l'ai pas trouvé encore. Non, je voulais quelque chose. Moi, j'ai une de là-bas, c'est pas un problème. Je la mets, c'est fini. C'est fini là, c'est fini.